Je me lève le matin, je vois la lumière du jour. Je me suis toujours présent, le futur est devant. Sans cri ni regret, mais l'espoir me rassure. La joie est mon soutien, la voix est dégagée. Eh bien, je ne perds pas du temps. Oh oui, la vie est comme ça. Voyons qui vivra verra. Et moi, l'espoir me rassure. Chacun son chemin, et moi j'ai pris les miens. Sans tambour ni trompette, jusqu'à la fin du trajet. Je ne comptais pas mes jours, droit dans mes bottes. J'y suis et j'y reste, jusqu'à l'appel final. Eh bien, je ne perds pas du temps. Oh oui, la vie est comme ça. Croyons qui vivra verra. Et moi l'espoir me rassure. Chacun son destin, à chacun son rêve. Maître de mon âme, j'y suis et j'assume. Je n'ai pas peur de on dit, je ne vis pas pour les autres. Pas touché par des calots, jusqu'à l'appel final. Eh bien, je ne perds pas du temps. Oh oui, la vie est comme ça. Croyons qui vivra verra. Et moi, l'espoir me rend.